épines blanches, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, c'est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, le poseur, les voyeurs, tous ceux qui aiment se faire voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la playmate du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle Lindorf star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Don't forget me, I got to be. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I got to be. Vert sur vert de Cuba Libre. Got to be, huh, that's me. Thank you. voudrais musicienne. Irène, Irène, en photo, en aquarelle. Bohémienne, bohémienne, sans pays, sans maison, pourvu qu'elle m'aime. Est si fragile que le vent l'emporterait. Impossible, impossible, tellement je la garderai. Prisonnière, prisonnière de mes bras, de mes chansons. Ce sera la plus jolie des prisons. Et j'apprendrai à lui dire je t'aime. J'apprendrai tous les mots des poèmes qui font pleurer les jeunes filles comme elle. Musique et musicienne, je serai un piano de Harlem, une symphonie pour elle. Si petite, qu'elle tiendrait entre mes doigts. Si chantante, comme la pluie sur le toit. Amoureuse, amoureuse d'un amour qu'elle ne sait pas. Langoureuse comme les violons d'autrefois. Et j'apprendrai à lui dire je t'aime. J'apprendrai tous les mots des poèmes qui font pleurer les jeunes filles. Je la voudrais musicienne. Irène, Irène, en photo, en aquarelle. Mais bon,